Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Pas d'amour sans rupture amoureuse, le Super Fail amoureux, c'est le sujet de la semaine. Il est par exemple illustré comme cela. C'est fini là, hein. En rond. Je casse, voilà. Je veux plus sortir avec toi. Tu dépends trop de moi. Moi, je ne veux pas sortir avec une fille si je ne sais pas comment ça se termine. C'est absurde. Non, c'est pas absurde. Les histoires entre les gens, c'est fait pour se terminer. Ça se termine toujours. C'est pas de ma faute, c'est universel. Alors j'ai besoin de pouvoir imaginer comment ça va se terminer, c'est tout. Ne me dis pas que tu me lourdes parce que tu n'arrives pas à imaginer la rupture, c'est absurde. C'est pas la bonne raison, ça me dégoûte. Ça m'angoisse que tu dépendes de moi, tu comprends? Je ne dépends pas de toi, pour qui tu te prends? Super, super si tu dépends pas de moi. C'est comme... Putain! C'est comme si moi je vis avec ta responsabilité dans mes mains. C'est trop lourd! Personne ne peut vivre en portant la responsabilité de quelqu'un d'autre. Personne! Alors, c'était la rupture amoureuse vue par Arnaud Desplechin. Un extrait de comment je me suis disputé. Et pour évoquer le fait amoureux, autrement dit la rupture amoureuse, je suis en compagnie d'une philosophe, Claire Marin. Bonjour. Vous avez écrit un très bon livre, Rupture au pluriel. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et membre associé de l'ENS Ulm. Alors, on s'est mis d'accord tous les deux. On va considérer que la rupture est un échec, un super fail, parce que c'est le thème de l'émission, même si ensuite j'imagine que vous raffinerez la rupture, car avant tout, la première question que je vais vous poser, Claire Marin, consiste à savoir pourquoi on rompt. Alors, on peut rompre, un peu comme on vient de l'entendre dans l'extrait, parce que la relation est pesante et qu'on a l'impression qu'elle nous aliène ou qu'elle nous enferme. On peut rompre aussi parce qu'on a ce sentiment qu'on ne peut pas devenir nous-mêmes dans cette relation, qu'on est pris finalement dans un schéma au sein duquel on étouffe. On entend souvent ce genre de phrase, hein. J'étouffe, je suis pas vraiment moi-même. Et à l'inverse, quand on aura rompu, on dira « je me sens vivant, je me sens libéré ». Donc il y a quelque chose de l'ordre finalement la réalisation ou l'affirmation de soi qui peut être l'une des causes réelle ou illusoire de la rupture. C'est quand même quelque chose d'assez paradoxal parce que, a priori, on se met en couple, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, pour précisément ne plus être le même. Or, vouloir sortir d'une relation de couple parce qu'on a un rapport inauthentique à soi. Oui, on se met en couple parce que l'autre révèle ou dévoile ou stimule en nous des formes de notre identité nouvelle, inédite, qui nous plaisent, qui nous séduisent, parce qu'on a l'impression que l'autre nous renouvelle d'une certaine manière. Donc on attend sans doute toujours un peu trop de l'autre, qui nous fasse devenir quelqu'un de meilleur, de plus beau, de plus désirable. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on rompt, c'est le moment où cette illusion ne tient plus. Et on se rend compte que, oui, l'autre ne nous a pas métamorphosé, qu'on est finalement un peu resté le même. Donc la nouvelle illusion qui prend la suite, ce serait de dire, c'est peut-être à cause de cette personne-là que je n'ai pas réussi à devenir ce grand écrivain. Ou... Est-ce que c'est bien légitime d'accuser l'autre pour ses propres failles ou pour les raisons qui font que justement on n'a pas fait ce qu'on voulait faire ou que on n'est pas la femme, l'homme que l'on voulait être. Il y a une part de mauvaise foi, évidemment, dans le fait de renvoyer à l'autre la responsabilité de ce qu'on imagine être des échecs. Il y a aussi la possibilité de, ça il faut quand même le dire, de relations qui sont toxiques et qui nous abîment, qui nous détruisent. Ça existe aussi dans les relations amoureuses. Donc, dans ces cas-là, la problématique est tout autre. Il s'agit vraiment de se sauver, de sauver sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire une relation toxique pour vous, Claire Marin ? Ça veut dire être en relation avec quelqu'un qui sans cesse porte sur nous des jugements négatifs, a un rapport destructeur, a sur nous un effet de dévalorisation, de mésestime, qui peuvent conduire à à l'intériorisation de cette dépréciation. Donc il y a quelque chose parfois dans les relations avec autrui, de l'ordre de la relation de pouvoir, de manipulation, qui détruisent et dont il faut se libérer. Et justement, comment faire pour savoir où on en est? Comment faire pour savoir si on est dans une relation toxique, tout simplement, si on ne mérite pas cette relation toxique, parce qu'après tout, on l'a choisie et peut-être qu'on y trouve une certaine jubilation, une certaine jouissance? Ah, il est possible, effectivement, que dans un processus destructeur, on puisse trouver une forme de plaisir. Hein. Ça fait partie des pathologies qu'on connaît. Je pense que malgré tout, quand le sentiment de mal-être est profond, on a quand même un indice assez fort que la relation doit trouver son terme. Si je vous dis que la rupture amoureuse, elle survient tout simplement lorsque l'amour n'est plus là. Donc ça, c'est une phrase banale que l'on entend très souvent prononcer. En tant que philosophe, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase-là, Claire Marin ? Oui, je pense que effectivement, il y a un moment où l'amour a disparu, il s'est étiolé, et ce qui est difficile, c'est d'accepter de le reconnaître et d'accepter que les deux le reconnaissent ensemble. Il y en a souvent un qui a cette intuition plus vite que l'autre, et c'est ça qui est douloureux, c'est de reconnaître que quelque chose auquel on a tenu n'existe plus, et qu'on peut plus le maintenir artificiellement. Parmi les raisons qui sont là aussi traditionnellement invoquées pour la rupture, il y a des causes relatives à la vie sexuelle du couple. Oui, bien sûr. Et vous consacrez d'ailleurs dans Rupture un chapitre à la sexualité de la rupture. Qu'en dire, Claire Marin ? Dans ce chapitre en particulier, c'était une approche un peu spécifique, mais c'était de montrer comment une catastrophe de notre existence laisse des traces dans le corps de l'individu et dans la forme que son désir va prendre. Et que la sexualité ou le désir va être le lieu où il reste une trace de la violence qu'on a subie. Et là-dessus, je m'appuyais sur des textes, par exemple ceux de Philippe Forest, où il montre comment, après une catastrophe personnelle, en l'occurrence un deuil dans ses textes, le lieu où il reste quelque chose de notre violence et où elle peut se manifester en étant sublimé sans trop détruire l'autre, ça peut être la sexualité. Et du coup, on pourrait se demander si le fait d'avoir vécu des ruptures amoureuses auparavant ne va pas effectivement transformer notre sexualité et y ajouter... C'est-à-dire Si on a souffert d'une rupture auparavant, il est possible que quelque chose de cette souffrance peut-être transparaisse dans notre sexualité et que ça la transforme. Mais c'est à quoi qu'elle fasse de nous et des êtres méchants parce que nous aurions été des bêtes blessées? Non, mais qu'il y ait quelque chose peut-être d'un peu plus brutal ou de plus direct ou de moins policé dans le rapport au corps de l'autre et dans ce cadre spécifique qu'est la sexualité où il peut y avoir une forme de brutalité. Est-ce qu'il y a de bonnes manières de rompre? Je dis cela parce que il y a quelques propos dans votre livre Claire Marin sur la rupture brutale, inspirée d'ailleurs d'un passage de Kundera. Qu'est-ce que c'est qu'une rupture brutale pour vous? Alors dans ce passage, effectivement, ce que je voulais illustrer, c'est le type de rupture où il y a un mot, un geste, un comportement qui opère comme un point de rupture décisif. C'est-à-dire quand bien même la relation continue un peu, en fait, il y a eu ce moment-là qui a détruit définitivement quelque chose de la relation et qui l'a coupé et qui fait que ce sera à jamais impardonnable. C'est irréconciliable. Ça existe, ça, vraiment ? Ah, je crois qu'il y a des paroles qui sont vraiment impardonnables. Je crois que, ou des gestes sur lesquels on ne peut pas revenir. Et une fois que des choses ont été dites, écrites, qui ont été d'une grande violence à l'encontre de l'autre, je crois que plus jamais on peut imaginer, on peut continuer à cohabiter, à parler gentiment, etc. Mais je crois que définitivement, l'amour meurt à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de bonnes manières de rompre, Claire? C'est la question que tout le monde pose. Je crois qu'il y a des manières moins douloureuses que d'autres, mais de toute façon, dire à quelqu'un qui nous aime encore qu'on ne veut plus de lui, c'est d'une violence absolue. Donc, parce qu'on est parfois placé devant des demandes d'explications et d'explications des explications. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Bah parfois l'explication est elle-même d'une grande violence. Dire je t'aime plus parce que tu es trop vieille, tu es trop déprimée, tu es un poids pour moi, je te porte à bout de bras comme on l'entendait dans l'extrait. Évidemment, je ne sais pas s'il faut le dire finalement. C'est une bonne question. Est-ce que est-ce qu'il y a des motifs de rupture qui sont moralement condamnables? Est-ce que, par exemple, il est légitime de quitter quelqu'un parce qu'on le juge trop déprimé? Ah, c'est une bonne question. Je crois que l'amour n'est pas uniquement le soin et l'amour n'a pas une tâche uniquement réparatrice. Si effectivement on reste avec quelqu'un juste pour servir de pansement, d'une certaine manière, cette relation est condamnée d'avance. À la fois, on est en couple, paraît-il, pour le meilleur et pour le pire. Alors, si on s'en va dès que le pire paraît, je ne dis pas que la dépression est le pire, mais dès qu'on s'en va, dès lors qu'il existe une difficulté, c'est quand même moralement, comment dirais-je, discutable, Claire Marin. Oui, alors là, il y a plusieurs idées intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, dans nos sociétés, on est devenu très impatient. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, on le jette. Bon, dans la relation amoureuse, parfois, on a aussi cette tendance de manquer de patience et pas laisser sa chance à une relation à partir dès qu'il y a un petit couac. Dans le cas que vous évoquez, qui est un cas très compliqué, hein, de la dépression ou de la maladie en général, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui va très mal? Effectivement, pour le meilleur et pour le pire, j'ai aussi cette responsabilité vis-à-vis de celui que j'aime, de l'accompagner dans les moments les plus douloureux. Maintenant, si en fait je me rends compte que cette personne, elle a ce fond dépressif qui est incompatible avec mon caractère, ma façon de vivre, et que j'ai besoin d'être dans une relation avec quelqu'un de plus positif, ça, durablement, ça ne tiendra pas. Donc autant être lucide sur la compatibilité aussi des humeurs et des caractères de chacun. Et lorsqu'on est le quitté, que faire, Claire Marin? Bah d'abord, on pleure. Et je crois qu'il faut pleurer, il faut être triste, il faut s'accorder ce temps de deuil de la relation et pas tenter à tout prix d'oublier, de passer à autre chose, comme les bons amis nous le conseillent. Anne perdue, 10 de retrouver, c'est... Oui, c'est ce qu'on entend toujours. Mais on l'entend. D'une certaine manière, c'est nier aussi le fait que la relation a été importante pour la personne qui quittait. Et quelqu'un qui perd un proche, on ne dit pas, c'est pas grave, tu pourras avoir un autre enfant. Si la relation est importante, il faut aussi laisser du temps au chagrin pour s'exprimer, se manifester, et traverser, je dis souvent baigner dans son chagrin, le vivre, s'appuyer sur des œuvres tristes qui nous aident à l'exorciser. Et puis après, effectivement, normalement, l'énergie revient, d'autres relations se mettent en place, les amis nous soutiennent et on découvre aussi des éléments de notre personnalité nouveaux au contact d'un monde qui s'est reconfiguré. Et parmi les philosophes, il y a une vraie divergence. Il y a ceux qui pensent que finalement on a ce que l'on mérite lorsqu'on est quitté parce qu'on est dépressif, triste, lorsque on est un grand malade et que donc il vaut mieux s'éloigner des grands malades. Et puis d'autres philosophes qui sont plus optimistes, qui croient en la perfectibilité de l'être humain. Oui, la perfectibilité, ou sans aller jusque-là... Bon, c'est pas grand-chose, la perfectibilité. Ouais, je crois que... Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a des possibles en nous, et que chaque relation cultive l'un de nos possibles et fait émerger, voilà, on dit souvent une facette de notre personnalité. Donc, il reste des parties de nous qui sont un peu en jachère, et chaque nouvelle relation ira exploiter des domaines de notre être. Et qu'en ce sens, on se le découvre aussi dans la multiplicité des relations. C'est pour ça qu'il faut pas être complètement désespéré de rompre. Vous pouvez profiter également de votre désespoir pour lire le livre de Claire Marin, Rupture, c'est au pluriel, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Superfell a été déglingué par Daphné Abgral à la production, saccagé par Morgane Danan à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.